sur les nuages, surgit de mes yeux ton visage. Je te le dis, tu es jolie, de la vertu de mes pensées s'éveille la chaleur de l'été. Je te le dis, tu es jolie, le soleil peut mourir demain, tout ira si tu prends ma main. Je te le dis, tu es jolie, car il suffit que tu sois là pour que coule dans mon sang la joie. Est bien placé, t'es agréable à regarder. Je te le dis, tu es jolie. Tu trouveras peut-être bizarre que je m'accroche tant à ton regard. Je te le dis, tu es jolie. J'oublie vraiment tout dans l'instant devant ton sourire rayonnant. Je te le dis, tu es jolie. Même dans la fatigue ou les larmes, tu as toujours autant de charme. Je te le dis, tu es jolie. Je te le dis, tu es jolie. Les seins qui tombent jusqu'aux genoux, t'as du mal à tenir debout. Je te le dis, tu as vieilli, plus de ventre plat, t'as du bide et ta peau se couvre de rides. Je te le dis, tu as vieilli, c'est sûr t'as des problèmes de poids, c'est sûr qu'il n'y a pas que ça. Je te le dis, tu as vieilli, t'es plus tellement photogénique, t'es plus trop non plus hygiénique. Je te le dis, tu as vieilli.